Reçois l'honneur, reçois la gloire et mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire et mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, mon adoration, Jésus. À jamais, tu resteras mon sauveur. À jamais, tu resteras mon papa. Reçois l'honneur, reçois la gloire et mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, mon adoration, Jésus. Le Saint Seigneur, assis sur son trône, le roi de rois. Reçois l'honneur et la gloire, à jamais. Tu resteras mon sauveur. À jamais, tu resteras mon papa. Reçois l'honneur, reçois la gloire et mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire et mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, mon adoration, Jésus. Du fond de mon cœur, je proclame le nom de Jéhovah Jiré. Tu es tout puissant, tu es mon tout. Je t'adore, je t'adore. Reçois l'honneur, reçois la gloire et mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, mon adoration, Jésus. Oh, tu as été frappé pour moi, mon sauveur. Tu as été frappé pour moi. Ah non, non, non, non. Ah non, non, non, non. Afin que je aie la vie, ah, ah. Afin que ah, oui. J'aie la vie, ah, oui. Afin que j'aie ah, oui. La vie, afin que j'aie la vie, afin que je sois béni, ah, oui. Afin que je sois ah, oui. Béni, ah, oui. Afin que je ah, oui. Sois ah, oui. Béni, afin que je sois béni, afin que je sois élevé, ah, oui. Afin que je sois élevé, ah, oui. Afin que je sois élevé, ah, oui. Afin que je sois délivré, Yahweh. Afin que je sois délivré. Afin que je sois délivré. Afin que je sois délivré. Reçois l'honneur, reçois la gloire et mon adoration, Jésus. Yahweh. Reçois l'honneur et la gloire, mon adoration, Jésus. Ta grandeur, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Yahweh. Reçois l'honneur et la gloire. Tu es pour moi ta faveur, Jésus, Jésus. Et mon adoration, Jésus. Yahweh, Yahweh. Et la gloire, mon adoration, Jésus. Yahweh, Yahweh. Et mon adoration, Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et la gloire, mon adoration, Jésus. Reçois mon tout, Yahweh. Reçois mon tout, Jésus. Et mon adoration, Jésus. Reçois mon tout, Yahweh. Mon adoration, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire et mon adoration.